Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une nouvelle qui s'appelle « À l'aventure », écrite par Ananda Devi, et elle est parue aux éditions Gallimard sous le titre de « L'ambassadeur triste ». Donc, c'est une nouvelle qui s'appelle « À l'aventure ». Elle se passe donc en Inde et Ananda Devi est l'auteur de nombreux ouvrages. Elle est née à l'île Maurice. Elle a été récompensée par plusieurs prix littéraires, dont le prix des 5 continents de la francophonie, le prix Louis Guillou et le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française, décerné par l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Je vais vous commencer cette lecture. Sous la pluie, tout se dissolvait, la route, les arbres, les autres voitures, son propre corps. Son esprit aussi se liquéfiait, tandis qu'elle tournait en rond depuis près d'une demi-heure. Tout sens de l'orientation perdu et ne pouvant que s'accrocher au volant et suivre le flot, le suivre comme une barque emportée, déportée, ahurie par la violence des trombes, alors que, quelques minutes plus tôt, le ciel était nu. De toutes parts surgissaient des monstres aperçus entre deux éclaboussures, déformés par la vitesse et par son angle de vue. Leur gueule béait, et elle en était sûre, avant de la happer. Mais ils viraient de bord à quelques centimètres d'elle à peine, disparaissaient dans un hurlement de klaxons, de freins et de pneus, tandis qu'elle grelottait de soulagement. La pluie qui avait envahi le monde ne lui laissait entrevoir aucune voie de sortie. Elle était contrainte de continuer. Les gouttes d'eau produisaient de minuscules explosions sur le pare-brise et se répandaient en arborescences tourmentées, comme dessiné au pinceau chinois. Au lieu de regarder la route, elle suivait leur tracé des yeux. De même, écoutait-elle avec une apparente concentration la pluie sur le toit de la voiture, comme s'il s'agissait d'un orchestre céleste. À moitié folle de terreur face aux éclairs qui jaillissaient de partout, elle tenta de se distraire en chantant un air d'opéra. Verdi était ce qui convenait le mieux à ce grand chambardement. Mais lorsque le tonnerre gronda tout près d'elle, elle poussa un cri qui résonna curieusement dans l'habitacle. Tel le glapissement d'un chiot ou le couinement d'une souris, rien qui ressemblât à une voix humaine. Aucun panneau, aucun signe, aucune indication, elle était dans un pays sans nom. Elle suivit une voiture jaune qui bifurquait vers la droite et se retrouva à l'arrêt derrière une longue file. Elle commençait à respirer un peu plus librement lorsqu'un visage se pressa contre la vitre. Avant même de se retourner, elle comprit que l'impossibilité de ce visage, au milieu du chaos de véhicules, allait l'entraîner encore plus loin dans sa dégringolade. Elle ferma les yeux et refusa de le voir. Elle s'approcha aussi près qu'elle le put de la voiture jaune comme pour jouir de la protection de ses couleurs éclatantes. Elle tenta de chanter encore une fois la Donna e Mobile, mais sa voix resta coincée dans sa gorge et une bulle de salive s'échappa de ses lèvres ouvertes. Quelque chose cogna sur la porte, un bruit mou, celui que fait une petite paume frappant la surface mouillée. Plap, plap, plap. Malgré elle, elle se retourna. Un visage d'enfant était appuyé contre la vitre. Triangulaire comme une tête de faune, avec des yeux très noirs, un petit nez, une bouche quasiment sans dents et des pustules qui constellaient la peau foncée. Certaines éclatèrent sous la pression et y laissèrent des traces jaunes et grasses. Trempé et tremblant, il leva sa petite main vers elle, la paume incurvée en forme de bol, le geste universel de la mendicité. « Cash, mam, cash for food !» Elle secoua violemment la tête. Elle savait qu'elle ne devait pas baisser la vitre. Cela n'avait certes été ni le moment ni le lieu idéal pour faire sa déclaration d'indépendance. Mais on ne choisit pas ces instants-là. L'impulsion vous arrive à l'improviste, comme une grossesse ou un cancer. Et à partir de là, vous n'êtes plus maître de vos décisions. Elle s'interrogerait plus tard au sujet de cette folie qui l'avait saisie et l'avait incitée à partir ainsi, et elle trouverait quelques explications. Par exemple, le fait qu'elle avait été induite en erreur par ceux qui lui avaient assuré qu'il était facile de conduire dans cette ville, que le chaos qui régnait dans les autres grandes villes de l'Inde n'existait pas ici, que les conducteurs étaient généralement polis et que la route entre son hôtel et le temple ancien qu'elle voulait visiter était quasiment rectiligne et traversait un merveilleux paysage de rizières et de plaines où l'on pouvait apercevoir des éléphants, des buffles et même une espèce d'antilope à quatre cornes. Mais comment avait-elle pu se laisser séduire par l'idée qu'elle pouvait d'un seul coup se transformer en exploratrice, faire comme ces femmes qu'elle connaissait, qu'elle admirait secrètement, qui louaient une voiture et s'enfonçaient dans l'inconnu, ou encore qui, avec leur sac à dos et leurs baskets, se lançaient dans des explorations téméraires, d'où elles revenaient les yeux brillants, les joues chaudes et la tête pleine de vie. Il lui semblait que ces femmes-là, qui avaient vécu, vaincu leur peur, étaient des Amazones modernes, prêtes à donner naissance à des mythes nouveaux. L'une de ses amies les plus proches était partie seule, à plus de 50 ans, parcourir la côte nord de l'Australie à pied. C'était un défi, avait-elle dit, qui lui avait permis d'aller jusqu'au bout d'elle-même et de ses ressources, quitte à en mourir. Elle avait compris, lors de ses longues journées, de ces longues nuits, sous un ciel à l'étouffante immensité, ce que les aborigènes découvraient au bout de leur walk-about, leur place dans l'univers. Rien que ça. Cette femme courageuse en avait tiré un beau livre poétique de ceux que l'on ne peut écrire qu'à l'issue d'une telle expérience. Ce livre l'avait apparemment enrichie à tous les points de vue, puisqu'elle pouvait maintenant voyager en première classe et découvrir plus confortablement de nouvelles contrées. Alors, elle aussi, à 60 ans passés, avait décidé de s'offrir une aventure. Elle fêterait cet anniversaire qu'elle avait pourtant redouté, guettant chaque nouvelle ride apparue, comme par mégarde, à un endroit de son visage qui, la veille, était résolument lisse, constatant l'affaissement du menton et les deux esquisses de bajoux qu'elle tentait de faire disparaître en les rabotant avec un gant de crin. En affrontant ses peurs et en se transformant, elle aussi, en Amazone. Peut-être découvrirait-elle de même les secrets de l'univers ou, à tout le moins, les secrets de son propre être pétri d'angoisse. Refusant d'écouter son inconscient qui était, après tout, la source de ses angoisses, elle loua une voiture. Celle-ci n'était pas équipée d'un GPS puisque la plupart des routes de la région n'étaient même pas cartographiées. La réceptionniste de l'hôtel, une jeune femme très serviable, lui dessina une carte indiquant le trajet à suivre et lui rappela qu'elle devait conduire à gauche. Dès les premières minutes, cependant, elle se souvint qu'il n'y avait ni gauche ni droite pour les conducteurs indiens, mais seulement la possibilité d'une route. Elle comprit aussi très vite que la réputation d'ordre et de politesse de la ville était très surfaite. Il y avait certes moins de circulation que dans les grandes métropoles, mais aucun semblant d'ordre n'y régnait. Chacun suivait sa loi qui n'en suivait aucune. Au lieu du frein, ils utilisaient le klaxon. Si le klaxon ne suffisait pas, ils utilisaient l'accélérateur pour faire ployer l'adversaire. Car il s'agissait bien de cela. Un combat de tous les instants pour revendiquer sa place et dompter tous ceux qui osaient s'opposer à la préséance réclamée. Ce combat, cependant, n'était pas sanglant. Lorsqu'une collision paraissait imminente et inévitable, un coup de volant donné in extremis permettait d'y échapper. Parfois, dans un chat d'aiguille entre un camion et un bus. tant d'habileté et de dextérité requérait toute une vie d'apprentissage, et elle n'avait aucun espoir d'y parvenir en une journée. Mais, une fois engagée sur la grande voie qui menait hors de la ville, elle comprit qu'elle n'avait pas le choix et devrait soit regarder devant, des deux côtés et derrière en même temps, soit ne regarder nulle part et foncer, sans se préoccuper des autres ni d'elle-même. Elle tenta de se serrer sur la gauche et de rouler aussi lentement que possible, mais les piétons en profitaient pour traverser devant elle en un flux interminable, l'empêchant d'avancer. Elle dut se forcer à aller vers le milieu de la chaussée, là où le danger arrivait de toutes parts. Elle dut se forcer à ne pas abandonner la voiture et s'enfuir à pied. La sueur lui trempait le dos, s'accumulait au creux de ses fesses. Elle décida de faire comme les rickshaws. Elle irait de l'avant sans se préoccuper de ce qui arrivait autour d'elle. Elle parcourut quelques centaines de mètres, la voiture cahotant entre coups de frein et coups d'accélérateur, les klaxons hurlaient comme une meute ravageuse pressée de se jeter dans la curée. Un bus semblait décidé à la doubler sur la gauche, alors qu'un taxi était en train de la dépasser à droite, quand une femme, tenant son bébé dans ses bras, se précipita devant elle pour traverser la rue. Elle freina en criant, mais la femme avait déjà échappé au pare-choc du bus, souple et déliée comme une aiguille, et avait disparu sur le trottoir encombré. Le rickshaw, derrière elle, n'eut pas cette chance et la heurta. Elle s'arrêta et voulut ouvrir la portière, mais le rickshaw était déjà en train de la dépasser. Le conducteur maigre et transpirant la regarda avec des yeux affolés. Elle baissa la vitre. « Sorry, sorry » dit-elle. Il parut surpris, puis lui fit un grand sourire. « No problem » répondit-il en s'éloignant, lui lançant à la figure une grosse bouffée de fumée noire. Entre-temps, les klaxons s'époumonaient et elle dut repartir, un début de migraine se manifestant à la naissance du crâne. Elle croisa un équipage étonnant, constitué d'une chaise à porteur transportant une occidentale frénétique, à côté de laquelle couraient deux autres occidentales tout aussi énervées. Mais elle n'eut pas le temps de s'attarder sur cette surprenante vision. Elle chercha la climatisation et libéra un air torride qui semblait charrier tous les poisons de cette rue asphyxiante. Elle finit par comprendre que, lorsque les cyclistes tapaient sur la voiture, ce n'était pas pour protester ni l'insulter, mais pour lui faire signe qu'ils étaient là. Même les chiens traversaient la rue sans s'effaroucher, et il y avait un sens à ce tourbillon. Elle avança quelques centaines de mètres de plus et commençait à se dire que la chance était avec elle lorsqu'elle parvint à un carrefour. Comme une toile d'araignée, les fils de voitures s'étiraient dans toutes les directions, leur équilibre précaire lui paraissant aussi mystérieux que leur mobilité, alors qu'il n'y avait quasiment pas de place pour bouger. Camions, bus, rickshaws, voitures, vélos, carrioles, tout cela construisait un labyrinthe où chacun devait trouver sa propre sortie sans rompre la chaîne fragile. Personne ne se heurtait. Il restait un cheveu entre les carrosseries, mais il s'en sortait indemne. Ce cheveu faisait la différence entre la vie et la mort. Comment réussit-elle à franchir ce carrefour ? Après, en y pensant, elle se dirait qu'il y avait un dieu du chaos qui, ce jour-là, l'avait prise sous sa protection. Mais c'était une protection cynique qui la préservait pour une expérience autrement terrifiante. Elle fit ce qu'elle faisait parfois au rond-point fréquenté dans son pays. Elle avança de quelques centimètres, freina, regarda la voiture qui venait du côté prioritaire pour voir si le conducteur la laisserait passer. Voyant que ce ne serait pas le cas, attendit qu'il passe pour avancer de nouveau de quelques centimètres, freina, et ainsi de suite. Les voitures derrière elle étaient parvenues à un paroxysme d'impatience. un conducteur bloqué descendit et vint cogner sur la vitre. Elle l'abaissa de mauvais gré. « Madame, you must move !» lui dit-il. « There are too many cars !» répondit-elle. « Always too many cars ! Just go, go, go !» cria-t-il exaspéré. Un agent de police se matérialisa. Imbu de son importance, il s'enquit du problème. Le conducteur irrité lui dit que la dame ne voulait pas avancer. La dame lui dit qu'elle respectait la priorité, comme dans son propre pays, et que tant qu'il y avait des voitures qui venaient dans ce sens, elle devait les laisser passer. L'agent réfléchit avec emphase et lui dit « No problem ». C'étaient deux mots qu'elle commençait à apprécier. Il mit son sifflet dans sa bouche, se posta devant sa voiture et en fit sortir un sifflement strident. Sa main se leva, comme la main de Dieu, vers les véhicules qui arrivaient et les stoppa dans leur lancée. Il foudroya du regard la voiture qui s'était arrêtée juste devant lui, presque à ses pieds. Le conducteur lui fit un sourire penaud. L'agent se tourna vers elle et, de sa main gantée, lui fit signe d'avancer. Face au miracle d'une circulation frénétique, stoppée rien que pour elle, elle avança avec un large sourire et les yeux humides, emplis de gratitude envers ce pays qui pouvait être à la fois si prévenant et si terrible. Elle parvint ainsi à sortir du carrefour, maudit, sans encombre. S'ouvrit alors devant elle la route qui menait tout droit vers le temple. Une belle route neuve à quatre voies où tout le monde avait de la place sans être obligé de se marcher sur les roues. Le soupir qu'elle poussa vida ses poumons et la fit de nouveau tousser. Elle permit à ses épaules arrondies de se détendre. Elle relâcha ses mains crispées sur le volant et qui y étaient presque collées par un film de sueur. Cela ne lui prendrait pas plus de 20 minutes et elle aurait alors accompli la moitié de ce qui, elle le comprenait à présent, était un défi presque au-dessus de ses forces. À peine fut-elle engagée sur cette route qu'il se mit à pleuvoir. Comme d'habitude, la pluie ne prévint pas. Elle arriva en énorme trombe. Surprise, elle roula pendant quelques minutes avant de se souvenir qu'elle devait mettre en marche les essuie-glaces. Elle tâtonna dans la soudaine pénombre pour les actionner et constata qu'il répandait sur le pare-brise une boue pâle qui réduisait de beaucoup la visibilité. Elle tenta d'utiliser le lave-glace, mais rien n'en sortit. Elle ralentit et se pencha en avant pour mieux voir, scrutant la route, le cœur battant de nouveau. Les autres voitures la doublaient en l'éclaboussant de grands jets d'eau visqueux. À pas d'escargot, elle poursuivit son chemin. Elle ne vit ni rizières, ni animaux merveilleux. Elle voyait un ruban d'asphalte mouillé, à peine éclairé par les phares de la voiture. Et elle se sentait obligée de le suivre, comme d'habitude, suivre le chemin qui lui était dicté, sans pouvoir en dévier, suivre dans la peur, suivre en oubliant de vivre. À présent, bloquée dans une file interminable, elle voyait le visage difforme de cet enfant qui la suppliait et elle sentit son esprit divaguer. « N'ouvre pas !» se dit-elle. Mais l'enfant était là, avec ce regard immense, un condensé de la misère et de toute la douleur qu'il y avait dans ce pays. Et sa peau semblait se dissoudre sous la pluie, comme si c'était une pluie acide. Et il lui semblait que l'enfant resterait collé là, à la tôle noire de la voiture, pour lui rappeler éternellement qu'elle ne lui avait pas porté secours. « Mam, mam, hungry, so hungry, mam !» La petite voix vrillait ses tympans. Elle était si belle qu'elle détachait sa chair de ses os. Elle, en contrant point, l'orage lui signifiait la colère divine si elle n'écoutait pas la voix. Elle s'agrippa à son volant et tenta de lutter. « N'ouvre pas, imbécile !» Mais toute une vie passée à croire en la charité chrétienne ne pouvait être effacée en un instant. À bout de force, « Mom, hungry, mom, hungry !» Elle se pencha et ouvrit la portière du passager. L'enfant, surpris, attendit une minute entière avant de s'y engouffrer et de refermer aussitôt la portière. Une fois là, il resta immobile, la bouche ouverte, tremblant de peur peut-être davantage que de froid. Une flaque d'eau se forma à ses pieds. Elle sortit un billet de 100 roupies de son sac à main et le tendit à l'enfant. « Voilà, c'est assez ?» demanda-t-elle. Il tint le billet entre ses doigts comme une chose fragile et trembla de plus belle. Elle vit avec une sorte d'effroi le liquide qui s'écoulait de ses pustules. Ses jambes grêles étaient un festival de plaies. Il lui manquait le petit orteil à chaque pied. Ses cheveux clairsemés laissaient voir un crâne attaqué, lui aussi par une innommable corrosion. L'odeur qui émanait de lui était celle d'un terrain d'ordure. Il finit par se tourner vers elle. « Mom, take me with you to Europe !» Elle secoua la tête avec véhémence. « Adopte, adopte, mom ! Son, son, me son, me son !» Non, non, descends maintenant. Elle se pencha pour ouvrir la portière, frissonnant lorsque son bras nu entra en contact avec le petit corps malade. Down, down, dit-elle, adoptant le mode de la répétition comme stratégie de persuasion. Mais il lui entoura le cou de ses bras et s'accrocha à elle. Sa tête crut exploser de dégoût. Elle tenta de le repousser. Il enfonça ses ongles dans la peau de sa nuque. La file de voitures repartait doucement. Celles qui la suivaient se mirent à klaxonner. Elle fit un nouvel effort et parvint à se dégager de l'enfant. Elle enclencha une vitesse et démarra. Il parut rassuré à l'idée qu'elle ne le jetterait pas dehors de sitôt. Elle réfléchissait avec une sorte de rage à son idiotie. Comment se débarrasser de lui ? Elle se dit qu'à la première occasion, elle ouvrirait la portière et le pousserait dehors sans ménagement. Mais il serait écrasé par la circulation épaisse qui l'entourait et elle aurait alors sa mort sur la conscience. Abandonner la voiture et rentrer en autostop. Impensable. Que ferait une Amazone dans un cas pareil ? Elle prendrait un chemin de traverse. Elle s'arrêterait dans un lieu isolé, ferait sortir le garçon de la voiture et repartirait, sachant qu'il serait assez débrouillard pour rentrer chez lui et qu'il aurait en poche 100 roupies pour le dédommager. De quoi d'ailleurs ? Ce plan semblait être le meilleur. Encore fallait-il trouver une sortie et bien planifier la façon dont elle le persuaderait de descendre de la voiture, sans qu'il devine ses intentions. « Pause pipi », se dit-elle. Ou « pause snack », encore mieux. Elle avait des sandwichs dans la boîte à gants. Elle lui dirait qu'ils allaient manger, l'installerait dehors avec un sandwich et un coca, et prétextant qu'elle allait chercher des mouchoirs, elle s'engouffrerait dans la voiture, verrouillerait les portes et s'en irait. En plus des 100 roupies, il aurait de quoi manger et de quoi boire. Elle sourit, contente de son plan. Elle se pencha en avant pour tenter de trouver une sortie dans la bouillasse qui obscurcissait sa vision. Les voitures qui la doublaient l'éclaboussaient de plus belle et les essuie-glaces avaient depuis longtemps abandonné l'idée de nettoyer davantage qu'un minuscule triangle de vitre. L'enfant s'était calmé et regardait autour de lui avec intérêt. Il avança la main pour toucher un bouton, mais elle l'interpella sèchement. Il se recroquevilla en lui-même comme un insecte étrange. La route était loin d'être droite, mais coincée au milieu de la circulation chaotique, elle ne parvenait à trouver ni de bretelles, ni de sortie indiquée. Elle tenta de se diriger vers la gauche, mais les véhicules arrivaient dans tous les sens, surtout les camions, violemment colorés et décorés de guirlandes et de dieux, et les klaxons empêchaient tout mouvement intempestif. Elle continua. La pluie aussi. la musique étrange venue des cieux et la petite voix de cristal qui poursuivait son incantation. « Fils, fils, je suis votre fils !» qui la guidait vers un lieu de vertige et de perte, un lieu de pourriture et d'agonie, un lieu d'où aucune route ne pouvait s'échapper parce que ce monde-là était ainsi fait qu'il n'accordait aucune liberté individuelle. Tous et toutes étant liés par des cordes d'acier, tout, ici même, paradis, enfer, rien entre les deux, l'existence, soit l'un, soit l'autre. Cet enfant purulent, glaireux, chassieux, abîmé à jamais avec ses orteils manquants, il était là à ses côtés et il l'entraînait elle aussi. Vers où ? Grand Dieu, vers où ? La route, la pluie, rien à côté, rien derrière, impossibilité du retour et devant. Elle commençait à se sentir somnolente, à accepter les chaînes qui l'entravaient et la possibilité de la mort tout au bout. Car comment sortirait-elle de cette voiture alors qu'elle ne savait même pas où elle était ? L'enfant, recroquevillé sur le siège, commençait aussi à somnoler. Il avait les pieds repliés sous lui, son petit short écartelé entre ses jambes maigrichonnes, exposant son sexe minuscule. Elle en était attendrie et désarçonnée. Il était dégoûtant, mais émouvant. Horrifiant, mais beau. Elle avait envie de vomir et de l'embrasser en même temps. Ses mains sur le volant frémissaient de l'envie de le toucher et de le repousser hors de la voiture. L'odeur s'était infiltrée en elle. Un enfant jamais lavé, les vêtements changés uniquement lorsqu'il s'effritait entièrement. Pas un soin, pas un médicament et le minimum de nourriture. « Hungry, hungry, hungry !» Elle posa le front sur le volant. Rien ne pouvait nous excuser de refuser l'évidence, de fuir dès que l'horreur nous approchait de trop près. Non, rester derrière ces murs, derrière ces façades, ne pas ouvrir la porte, ne pas les laisser entrer, nous toucher, jeter de très loin une volée de pièces inutiles, en se consolant de les avoir nourris pour un jour, pour une heure, en se dédouanant, parce qu'ils utiliseraient cet argent pour s'acheter de la colle, des cigarettes, de l'alcool, pour enrichir ceux qui les contrôlaient, ceux qui géraient le business de la mendicité, et tout ce que l'on pouvait faire n'aboutirait à rien. Rien. Hungry. Le laisser quelque part et se débarrasser de l'odeur collée à ses membres. Le laisser parce que notre vie ne serait plus jamais la même. Les pistes démantelées, les cloisons percées. N'était-ce pas ainsi que nous vivions désormais ? Et n'était-ce pas tout ce qu'elle avait attendu de son séjour en Inde ? L'aéroport, la voiture, l'hôtel, les temples, les restaurants, lieux balisés qui permettaient au regard de voir sans que le corps soit menacé, qui lui permettraient de se construire une vision et de dire au retour « j'y suis allée ». Et sans cette folie qu'il avait prise ce matin, c'est tout ce qu'elle aurait vécu ici, la lisière de la réalité. Et cela lui aurait suffi ? Cela aurait dû suffire. Il s'était endormi, confiant sans doute, que la vieille dame ne le jetterait pas hors de la voiture. Il s'était endormi, pensant que la vie, pour une fois, lui avait été douce. La route continuait, l'entraînait vers l'inconnu. Elle en avait oublié son projet initial. L'aventure dont elle avait rêvé ne ressemblait en rien au cauchemar qu'elle vivait. Pluie, ombre, boue, pustule. Le siège de la voiture sous l'enfant était taché de matière plus que douteuse. Son visage était une constellation de pourriture. Elle sursauta en se demandant s'il avait la lèpre. Elle fouilla sa propre mémoire. La lèpre était-elle contagieuse ? La lèpre sèche ne l'était pas. La lèpre humide, par contre. Aucune route transversale ne se présentait. Cette autoroute toute neuve allait vers elle ne savait quelle destination. Elle ne pouvait que se laisser porter. Après une heure environ, alors qu'elle était parvenue au bout de l'épuisement et de l'énervement, l'enfant émit un gémissement. Il se raidit puis se redressa. « Boucard !» dit-il. Elle ne le comprenait pas. Il la regarda les yeux fous, écarquillés. « Boukar, Marjonga !» Il fut pris d'une série de convulsions qui la terrorisa. Elle chercha un endroit où s'arrêter et vit avec soulagement une aire de stationnement d'urgence vers laquelle elle fonça sans écouter les klaxons et les insultes qui fusèrent. Elle se gara. La pluie était une chape qui les protégeait de tout. Ondulation du sable, striure de la boue, le cri des vautours plus loin et peut-être des barrissements d'éléphants. Elle n'en savait rien. L'eau avait tout effacé et ils auraient pu être au milieu d'un monde désert où n'existaient ni les hommes ni les bêtes. Elle se tourna vers l'enfant. Les convulsions ne s'étaient pas arrêtées, mais avaient légèrement faibli. Elle prit une bouteille d'eau d'Évian et lui en aspergea doucement le front et le visage qui étaient brûlants. Il ouvrit la bouche en grand pour boire. Elle déversa un mince filet dans cette cavité édentée et sans défense. Ensuite, elle humecta des mouchoirs jetables et tenta de nettoyer ses plaies. Mais celle-ci était profonde et la peau semblait s'arracher en fins lambeaux au moindre toucher. Une chair rose claire apparaissait au-dessous, fragile comme le ventre d'un poisson ouvert en deux. Elle ne savait si les grandes plaques grisâtres sur son ventre, ses bras et ses jambes étaient une indication que tout l'intérieur était désagrégé. Il était certain que cet enfant n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Elle chercha son téléphone portable dans son sac et il n'indiquait aucun réseau disponible. Elle attendit, chercha, mais rien ne parut. Le téléphone resta silencieux. L'enfant, les yeux ouverts, murmurait encore les mots « Boukar, Marjungra ». Elle sortit un sandwich de la boîte à gants. Ses yeux brillèrent. Elle en prit un petit morceau et le lui introduisit dans la bouche. Il mâcha avec avidité, les lèvres se plissant comme celles d'un vieillard. Mais aussitôt après, il parut hésitant. « Mouton ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant, puis fit « oui » de la tête. Alors, il mangea le sandwich au bœuf, goûtant chaque bouchée comme une matière hors de ce monde. Quand il l'eut fini, il soupira et s'installa sur ses genoux, ferma les yeux. Le temps passa. La pluie sur la voiture, l'enfant sur ses genoux, le sandwich dans le ventre de l'enfant. Une proximité qui, ce matin encore, aurait été totalement impensable. Et pourtant, c'était bien ainsi. Ses bras avaient pris une courbure naturelle. Son corps s'était creusé pour former un berceau moelleux. C'était instinctif, elle le savait. Mais pas seulement. Autre chose avait survécu à ce périple dans l'inconnu. Quelque chose était né de cette fragile équation humaine. À la fin du jour, ils étaient toujours là. Il était collé à ses vêtements par tout ce que sa chair avait évacué. Elle attendit. Personne ne s'arrêtait et rien ne venait. Elle n'avait pas envie de bouger. Leur souffle s'accordait si parfaitement. Tant qu'ils seraient là, tenus à l'orée d'une possibilité d'amour, ils vivraient. La pluie cessa et la terre dégagea un brouillard épais. Pareil à des nuages étalés sur les rizières. Au loin, entre deux coulées grises, elle crut apercevoir une antilope à quatre cornes. Eh bien, voilà, voilà, cette magnifique histoire. Oui, hein, l'Inde. Allez, à bientôt et puis passez une très, très, très bonne semaine sur Radio Gémozo 107 FM. Je vous laisse avec une très jolie musique indienne. À bientôt.